Le chauffeur veut les pneus neufs. Il déjeune à 9 heures. Il veut du beurre et des œufs. La couleur de la fleur.